Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Alexandre Poidat. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 glorieuses dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette cinquième saison, le podcast il est encore et toujours soutenu par la NEF, qui est une coopérative bancaire éthique qui existe depuis plus de 35 ans. Concrètement, ça veut dire qu'elle collecte de l'épargne auprès des particuliers et que grâce à cette collecte, elle va financer des projets écologiques, sociaux et culturels. C'est carrément la banque des 2030 glorieuses. C'est une banque coopérative parce qu'elle appartient à ses 47 000 sociétaires et elle favorise leur implication. C'est une banque éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent et qu'elle est le seul établissement bancaire à publier l'intégralité des prêts qu'elle réalise. Et donc ça, c'est hyper important. Important pour avoir les transparences des 2030 glorieuses. Et moi, je suis très fier d'être soutenu par la NEF qui me permet de rencontrer des personnes inspirantes. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'une série d'été sur la thématique du pouvoir de l'argent et je donne la parole à Alexandre Poidat, qui est responsable du plaidoyer climat, finance et secteur privé chez Oxfam France. Ensemble, nous allons parler de comment mettre ceux qui ont le pouvoir, à savoir les banques, les multinationales, les milliardaires et les politiques publiques, la fiscalité, la régulation et la réglementation au service de la transition écologique et sociale, ni plus ni moins. C'est un sujet passionnant et je suis très très heureux d'avoir cet échange avec toi Alexandre. On se connaît depuis quelques années maintenant. Pour commencer cet échange, je ne peux pas quand même m'empêcher de te poser la question, Alexandre. Imagine que tu es dans un événement où il y a des personnes que tu rencontres pour la première fois. Arrive la question fatidique, et toi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds aujourd'hui? Merci pour cette introduction. Je réponds que je suis responsable de plaidoyer dans une ONG qui s'appelle Oxfam. Et j'explique un peu ce qu'est le plaidoyer, parce qu'en général, les gens ne savent pas. Et donc, j'explique d'où vient Oxfam, donc... C'est une ONG qui est née dans les années 40, c'est une des plus grosses ONG humanitaires dans le monde et qui vise à s'attaquer aux conséquences de la pauvreté, à faire du travail humanitaire dans plus de 90 pays. Il y a 10 000 salariés dans le monde, donc c'est très très important. En fait, dans les années 90, beaucoup d'ONG ont dit on en a marre de s'attaquer aux conséquences de la pauvreté, il faut s'attaquer aux causes, aux racines profondes de la pauvreté. Et c'est comme ça qu'est né le plaidoyer. Et plaidoyer, c'est défendre une cause dans sa définition. Et donc, mon travail, c'est d'influencer les décideurs politiques, les décideurs économiques, les personnes qui ont du pouvoir pour la transition écologique et sociale. Comment on le renomme si on se centre uniquement, comme tu le dis, sur ses effets plutôt que sur le comment tu fais ton travail? Moi, j'aimerais bien réussir à trouver l'intitulé de ton poste en réfléchissant à sa mission sincère, tu vois, et ambitieuse. Est-ce que tu dirais que tu es révélateur d'injustice, d'incohérence, ou qu'au contraire, tu milites pour faire en sorte que tout le monde se mette à la hauteur des enjeux? Comment tu le dirais exactement avec des mots à toi? Ce serait une forme de... Je dirais que je suis un peu un lobby des gentils. Alors c'est très bisounours comme façon de dire, mais c'est tout simplement effectivement rendre les enjeux structurels de la société accessibles à tous. Donc c'est un peu une forme de vulgarisation des enjeux structurels, politiques, économiques aux citoyens et donner aux citoyens l'envie de se mobiliser pour ces enjeux-là et pour agir sur la transition écologique et sociale et leur dire que tous les problèmes qu'on a face à nous aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité. Donc c'est vraiment lutter contre la fatalité. Tu m'invites à réfléchir plus mon métier, mais c'est vraiment à lutter contre la fatalité et à dire que c'est possible de changer les choses et que tous les problèmes qu'on a face à nous, il y a des solutions en face. Ouais, je sais pas vraiment si ce mot il est à la hauteur de ton impact, mais j'ai quand même l'impression que bah, pour rendre accessibles ces sujets, il y a besoin de les simplifier, de les clarifier, de les ordonner. Et donc, excuse-moi de dire que j'ai l'impression que ta première mission, c'est quand même d'être un grand simplificateur de tous ces enjeux qui peuvent sembler hyper complexes, hyper obscurs, voire carrément fumeux, pour que en réalité les gens se rendent compte que ben c'est complètement à leur hauteur, complètement à leur portée, et qu'une fois qu'ils les comprennent dans toute leur globalité, alors effectivement, derrière, tu, en plus, leur tends des perches, tu leur proposes des espaces, tu les outils pour qu'il y ait ce mouvement citoyen, mais aussi cette exigence hein, organisationnelle, parce que vous le faites à plein de niveaux. Moi, j'aimerais bien comprendre, et c'est pour ça que je te donne la parole, tu es un peu la première pierre, tu es un peu la première lumière qu'on va mettre sur ce lien entre finance et climat. Si jamais les gens te disaient mais attends, ok, tu fais ça, moi je comprends pas, tu me parles de banque, tu me parles de finance, tu me parles de fiscalité, quel est le lien avec la planète? Tu réponds quoi? Si on prend un pas de recul, déjà en fait quand on parle du réchauffement climatique, on parle beaucoup d'empreinte carbone à notre échelle individuelle, tu en parles beaucoup aussi, donc de dire comment à notre échelle on peut agir face au réchauffement climatique et donc réduire notre empreinte carbone. Chez Oxfam, ce qui est très important pour nous, c'est de dire que on a tous une responsabilité face au réchauffement climatique, qu'on va tous devoir changer nos comportements, mais qu'il y a une responsabilité différenciée. Et plus qu'une une responsabilité différenciée, il y a des gens qui ont du pouvoir. Et donc, parmi les gens qui ont du pouvoir, c'est-à-dire que leur impact ne va pas être qu'à leur échelle individuelle. Ça va pas être que moi, si j'agis, je vais réduire mon empreinte carbone individuelle, qui est très important. C'est que ces personnes-là, quand elles vont agir, elles vont réduire l'empreinte carbone, les émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de la société. Elles vont construire un monde qui va être durable pour l'ensemble de la société. Et les personnes qui ont du pouvoir, c'est notamment les décideurs politiques ou les décideurs économiques, et en particulier les personnes à la tête des banques ou des multinationales. Alors pourquoi les banques? Eh bien tout simplement parce que nous, quand on met notre argent en banque, eh bien cet argent, il va permettre de financer des projets. Sauf qu'on le sait pas forcément, c'est pas du tout intuitif, on se pose pas la question. Et pourtant, avec notre argent, on a du pouvoir. Et c'est ça qui est intéressant de creuser, c'est de se dire, tiens, mais du coup, si je mets cet argent dans cette banque-là, peut-être que je vais financer des énergies fossiles, alors que si je le mets dans cette autre banque-là, je vais financer des énergies renouvelables ou je vais lutter contre la déforestation, etc. On parle beaucoup de climat et c'est vrai qu'on va essentiellement se centrer sur cette notion aujourd'hui, même si chez Oxfam, vous luttez beaucoup aussi hein, en faveur... plus de justice sociale, plus d'égalité. On pourra éventuellement, si tu le souhaites, en parler. À la fois, toi, vraiment, ton sujet, c'est l'argent, c'est le climat. Tu as trois axes dans ton travail. Le premier, c'est de sensibiliser aux inégalités d'émissions et défendre un ISF climatique sur les milliardaires. Le deuxième, c'est contraindre les multinationales à réduire leur empreinte carbone. Le troisième, c'est obliger les banques à cesser de financer les énergies fossiles. Est-ce qu'on peut revenir sur ces trois axes un peu plus en détail et pourquoi pas même avec des exemples assez concrets, s'il te plaît, Alexandre? Oui, bien sûr. Donc, ce que je disais, c'est que l'objectif, c'est que ceux qui ont du pouvoir puissent changer leur comportement pour que ce soit vertueux pour tout le monde. Et tu as parlé de l'axe justice sociale. C'est important de dire que par exemple, si on prend le premier axe sur dire pourquoi on veut un ISF climatique sur les milliardaires, en fait, l'ISF climatique, c'est l'anti-taxe gilet jaune. Quand on a eu cette situation avec les gilets jaunes, c'était tous les citoyens français, peu importe leur revenu, qui étaient invités à payer la même taxe. Et en fait, quand on demande le même effort à tout le monde face à la transition écologique, eh bien, lorsqu'on est en situation de précarité, lorsqu'on a du mal à boucler les fins de mois, l'écologie, ça devient un rejet. C'est là où les enjeux de justice sociale et justice climatique sont ensemble. On doit les penser ensemble. Et donc l'idée, c'est plutôt de dire ceux qui ont plus de responsabilités, ceux qui ont plus de pouvoir, c'est sur eux que doit reposer la transition écologique. C'est pas sur notamment les plus précaires. Et donc si je dois utiliser, par exemple, je suis une infirmière et je dois utiliser ma voiture tous les jours pour aller à l'hôpital, pour prendre soin des gens, et que déjà je suis, parce que j'ai beaucoup de, par exemple, j'ai beaucoup d'enfants et que je suis en situation de monoparentalité, bah, qu'on me demande de payer une taxe carbone en plus, je voudrais vraiment percevoir l'écologie comme quelque chose de négatif. Et donc, on va défaire le lien entre ces personnes-là et l'écologie. Alors que si on demande à des personnes qui ont des moyens, qui ont du pouvoir, ça va avoir deux effets positifs. Le premier effet positif, c'est donc de dire que on va pas uniquement taxer des milliardaires parce que un ISR clientique, c'est une forme de taxe, en fait. C'est juste de dire, vous allez payer un peu plus d'impôts, vous, plutôt que d'autres personnes dans la population. C'est pas juste leur dire, vous allez payer plus de taxes parce que vous utilisez des yachts ou des jets qui polluent plus. Ça, c'est important, en termes de signal, pour montrer que ce sont des biens qui sont polluants et qui sont pas forcément nécessaires. Mais l'autre chose qui est un peu innovante, c'est de dire, on va taxer les émissions de la richesse. Alors, c'est un peu compliqué, mais vous allez vite comprendre pourquoi. C'est de dire que, lorsque moi je suis un milliardaire, en général, ma richesse va venir de mon capital, pas tant de mes revenus. C'est pas comme ça que je deviens riche. C'est surtout parce que j'investis dans des entreprises, j'ai des actions dans des entreprises. On prend un exemple très concret. Bernard Arnault, il est surtout riche parce qu'il possède 70% de LVMH, son entreprise qui fait des sacs de luxe et des biens de luxe. Et donc Bernard Arnault, s'il a une taxe sur ses actions, donc sur ses actifs qu'il possède dans des entreprises, plus cette taxe va être pénalisante lorsque ses actions vont être vers des entreprises polluantes, plus il va être incité à réorienter son argent. Et donc c'est là où on touche à l'argent à nouveau, c'est le cœur de ce dont on va parler, parce que Bernard Arnault, il va être incité à deux choses. Soit il n'a pas beaucoup d'actions dans une entreprise, et donc il va se dire, bah plutôt que de mettre mon argent dans cette entreprise, je vais choisir une autre entreprise qui est moins polluante, parce que je serai moins taxé. Ou si Bernard Arnault, comme c'est le cas, il est pour LVMH à hauteur de 70% le propriétaire de l'entreprise, c'est un peu son bébé, il va pas pouvoir s'en détacher. Et bien là, Bernard Arnault, il va pouvoir se dire, bah tiens, cette taxe, elle m'encourage à réduire les émissions de gaz à effet de serre de LVMH. Et donc, ça va avoir des impacts très concrets et ça va l'inciter soit d'une part à réorienter son argent, soit d'autre part à dire, mon modèle économique à l'heure actuelle, cette taxe, elle m'oblige à le revoir et à avoir un modèle plus durable. Et ce sera dans mon intérêt, mais aussi dans l'intérêt de l'ensemble de la société. J'ai l'impression qu'avec ce travail-là, d'une certaine manière, vous venez rendre visible l'invisible. Le récit en France, médiatique notamment, économique surtout, montre les milliardaires comme des personnes essentielles du rouage économique parce qu'elles créent des emplois, parce qu'elles font supposément ruisseler de l'argent, parce qu'elles font la fierté de la France grâce à des supposés savoir-faire, etc. etc. Alors qu'on le sait, on le voit de plus en plus, elles ont fait disparaître des dizaines de milliers d'emplois, elles évadent, elles détournent les règles pour ne pas payer l'impôt. Et donc, en plus de ça, maintenant, vous montrez à quel point elles ont une activité négative sur l'économie, mais surtout sur le climat. Donc ça, j'ai l'impression que vous rendez les choses palpables et même accessibles, puisque parfois, on se sent un peu démuni. Et moi, le premier, vis-à-vis des multinationales, vis-à-vis des grands groupes, on a l'impression qu'on peut rien faire vraiment, que c'est plus que David contre Goliath. Et là, on le l'occurrence, avec les multinationales, vous avez des campagnes très concrètes pour les forcer aussi à réduire leur empreinte carbone. Est-ce que tu peux m'en parler de ça, s'il te plaît ? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même un lien entre les milliardaires et les multinationales. En général, les milliardaires sont riches, donc beaucoup d'argent, parce qu'ils possèdent des parts dans ces multinationales. C'est pour ça que je fais le lien, bien sûr. Ouais. Et donc, pourquoi alors, comment nous, on incite les multinationales à réduire les émissions de gaz à effet de serre ? En fait, c'est par le levier de l'État. Donc, comme tu le dis, on se sent démunis, nous, face à la puissance de ces multinationales, de ces milliardaires. Or, il y a un agent, il y a une entité qui a le pouvoir de les réguler et de limiter leur pouvoir. Et cet agent, c'est l'État. Et en fait, si tu veux, on a une dynamique depuis 30-40 ans avec le néolibéralisme qui fait que le marché, et notamment ceux qui profitent le plus du marché, ceux qui sont à la tête du marché, donc les multinationales et les milliardaires, profitent d'un marché qui est de plus en plus puissant par rapport à l'État. Et nous, ce qu'on demande, quand on parle de régulation, en fait, c'est de nuancer tout cela. On a besoin de nuances. On a besoin de rétablir un équilibre entre un État qui est garant de l'intérêt général et des milliardaires et des multinationales derrière, qui souvent ont pour objectif de faire du profit. Et c'est le but du marché. Mais il faut limiter cette sphère du profit à ce qu'il n'y ait pas des impacts sociaux ou des impacts écologiques qui soient néfastes. Et donc, ce qu'on demande très concrètement, c'est que l'État régule, oblige ces multinationales à petit réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à avoir un plan de planification de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Comme c'est demandé aux citoyens. On dit de plus en plus aux citoyens, il faut réduire votre empreinte carbone, comme c'est demandé d'ailleurs aux États. Les États eux-mêmes, la France, a un objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Parfois, elle va pas assez vite, mais il y a au moins un plan. Et ben, il faut la même chose pour les multinationales. Et ça aurait l'intérêt de dire que le poids à nouveau de la transition écologique, elle, cela repose avec un ISF climatique sur les milliardaires qui ont beaucoup de pouvoir, mais aussi avec une obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur les multinationales qui ont aussi beaucoup de pouvoir sur l'ensemble de l'économie derrière. Et donc c'est gagnant-gagnant pour l'ensemble de la population. Justement, on continue dans la série des structures qui semblent surpuissantes et difficiles à accéder avec des exemples encore une fois très concrets. Toi, depuis 2022, Alexandre, tu coordonnes la campagne L'Affaire BNP Paribas. C'est le premier contentieux climatique au monde contre une banque. Est-ce que tu peux me dire pourquoi vous avez décidé de lancer cette campagne? Pourquoi c'est important et où est-ce que vous en êtes actuellement, s'il te plaît? C'est pas forcément intuitif, mais en fait, les banques, elles polluent beaucoup. Il y a 4 banques en France qui ont chacune une empreinte carbone supérieure à la France entière. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, une banque comme BNP Paribas, elle gère 2000 milliards d'euros par an. Alors c'est un chiffre très important, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu comme le PIB de la France. C'est exactement la même chose. Donc c'est-à-dire que BNP, avec cet argent, ils vont financer des entreprises, de la déforestation, des énergies renouvelables, etc. Donc ils vont utiliser cet argent qui va façonner le monde de demain. Ce qui est très important de comprendre avec les banques, c'est que les financements d'aujourd'hui façonnent le monde de demain. En fait, l'argent, il a un pouvoir de nous projeter dans le futur, de nous projeter en 2030, 2040, 2050. C'est pour ça que j'adore travailler sur le sujet des banques et que si on mettait les banques de notre côté, en fait, elles pourraient nous aider à développer cet imaginaire que tu travailles dans ce podcast, que tous les gens que tu interroges travaillent dans ce podcast. Et on a besoin de l'argent parce que l'argent, ce n'est pas une fin, c'est un moyen pour donner le pouvoir à des projets d'exister et de se concrétiser. Alors, nous, concrètement, ça fait 10 ans qu'on discute avec d'autres ONG comme les Amis de la Terre, par exemple, avec les banques. On demande aux banques de très concrètement arrêter de financer ce qui est le problème majeur pour le réchauffement climatique, qui sont les énergies fossiles. Donc, le pétrole, le gaz, le charbon. Pas du jour au lendemain. On demande justement que les banques conditionnent leurs prêts, par exemple à Total, à des industries fossiles comme Total, à dire, on continue à vous prêter de l'argent tant que vous aurez un plan qui réduit progressivement le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Et en plus, on donne un calendrier à 2050. Donc, c'est dire progressivement. Or, malheureusement, on est dans une tendance aujourd'hui où ces industries fossiles comme Total, ils sont à rebours de la transition énergétique parce qu'ils augmentent la production d'énergie fossile et l'extraction de projets fossiles. Donc, c'est complètement incompatible avec les objectifs planétaires. C'est pourquoi, alors que ça fait 10 ans qu'on discute avec les banques, et on a eu des victoires, puisque en 2019-2020, l'ensemble des banques françaises ont arrêté de financer le charbon. On demandait aux entreprises d'avoir un plan progressif de sortie du charbon. C'est vraiment une victoire qu'on a obtenue, qui est une très bonne nouvelle. Malheureusement, les banques françaises, elles continuent de financer encore le pétrole et le gaz, qui sont aussi des énergies fossiles qui contribuent au réchauffement de la planète. Et donc, après 10 ans de discussion, on s'est dit, il faut qu'on utilise le levier du bâton. Et c'est pourquoi on a saisi la justice, alors dans le cadre de l'affaire BNP, donc viser BNP Paribas, mais on a aussi un problème avec Crédit Agricole, Société Générale ou Banque Populaire Caisse d'Épargne. Pourquoi BNP? Parce que c'est la plus grosse banque française, donc on s'est dit, on va faire l'exemple de cette banque, et on a saisi la justice pour vraiment montrer à l'appui avec 250 pages de rédaction avec des juristes, des avocats, que la banque ne respecte pas ses propres objectifs qu'elle s'est fixés d'être alignée avec un scénario de 1,5 degré, d'être sur un projet de développement durable. Voilà pourquoi on a saisi la justice, et c'est la première banque dans le monde qui a été attaquée en justice. Et en fait, depuis un an, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, depuis un an et demi, depuis qu'on a attaqué cette banque en justice. Mais justement quoi? Dis-moi un peu où vous en êtes et peut-être que d'ailleurs ça peut être l'occasion de passer un peu un appel, de demander un coup de main pour les personnes qui nous écoutent. Comment concrètement ils peuvent vous aider sur les sujets que tu as en cours là avant qu'on parte en 2030 glorieuse? Alors la bonne nouvelle, comme je l'ai dit déjà ces dernières années, on a obtenu le fait que les banques arrêtent de financer le charbon de façon progressive. Et là, on est un peu à la moitié du chemin avec BNP Paribas. Parce que il y a encore un an, ils continuaient d'injecter 10 à 20 milliards d'euros par an, chaque année depuis les accords de Paris, dans des nouveaux projets d'énergie fossile. Alors que les scientifiques sont très clairs, tout nouveau projet d'énergie fossile est incompatible avec un scénario de 1,5 degré. Et là, ça fait un an que BNP a beaucoup diminué, exactement, le calendrier coïncide exactement avec l'attaque en justice. Et aujourd'hui, ils sont plutôt à 4 milliards d'euros, alors qu'il y a un an, c'était entre 10 et 20 milliards d'euros. Donc, on espère que la tendance va continuer. Et en particulier, ils ont coupé un de leurs leviers de financement majeur de l'industrie fossile qui s'appelle les émissions d'obligations. Donc c'est un terme un peu technique, mais il faut comprendre que globalement, en gros, il y a 50% de leur financement qu'ils ont coupé. Donc on a fait la moitié du chemin, il reste encore l'autre moitié du chemin à faire, et donc on va continuer à faire cela. Et pour cela, puisque tu m'invites à le dire, on a besoin de mettre une pression saine sur BNP Paribas ou sur les banques. Et donc comment le faire ? Très concrètement, pour les citoyens qui nous écoutent, ils peuvent aller sur le site de l'affaire BNP, donc il suffit de taper dans un moteur de recherche affaire BNP, ils peuvent déjà signer la pétition s'ils n'ont pas beaucoup de temps. Et l'autre chose qu'ils peuvent faire, c'est qu'on a tous un compte en banque. Et donc, lorsqu'on a un compte en banque, eh bien, on a un conseiller bancaire et on peut tout simplement écrire à notre conseiller bancaire. Notamment si vous êtes, comme j'ai dit, à la BNP Paribas, à Société Générale, au Crédit Agricole ou à Banque Populaire Caisse d'Épargne, votre banque continue de financer des nouveaux projets d'énergie fossile. Et donc, vous pouvez écrire à votre conseiller en leur demandant pourquoi, en les interpellant, en saisissant votre pouvoir citoyen de lui dire pourquoi faire cela. Et pour le faire encore plus facilement, vous pouvez télécharger l'application Rift, qui vous permettra de savoir où va votre argent en banque et d'interpeller en deux clics votre citoyen. Voilà des actions très concrètes que vous pouvez faire pour contribuer à faire en sorte que ces gros mastodontes qui sont les banques et qui sont un peu éloignés de nous peuvent agir sur la transition écologique. Et je tiens à préciser que sur le charbon, c'est vraiment cela qui a permis de faire en sorte que des banques puissent agir, c'est grâce à la mobilisation citoyenne, et qu'il y a des banques, comme la Banque Postale par exemple, qui ont arrêté de financer les énergies fossiles grâce à cette mobilisation citoyenne. Donc c'est vraiment des outils qui marchent. Après, des gros mastodontes comme BNP, Crédit Agricole, c'est des grosses banques et des yachts, si vous voulez, des mastodontes qui mettent un peu plus de temps à bouger, mais on va y arriver, j'y crois profondément. Et aussi dire qu'il y a aussi des banques éthiques comme la NEF ou le Crédit Coopératif, la NEF qui est partenaire de ce podcast, donc c'est important de le préciser, qui sont elles déjà éthiques depuis des années et où vous pouvez aller déposer votre argent assez sereinement et sachant que votre argent sera utilisé pour des projets de développement durable. La mission n'était pas évidente puisque tu avais 20 minutes pour vraiment dresser le constat de l'incapacité pour l'instant de la finance, des banques, des multinationales de mettre leur argent au service des 2030 glorieuses. Tu l'as fait brillamment. Je savais que tu étais l'homme de la situation, Alexandre. Merci, c'était vraiment très clair avec en plus plein de pistes pour passer à l'action à la fin de cette première partie. Et maintenant, ça va nous faire une base solide pour imaginer les 2030 glorieuses. Et entre les deux parties, on a toujours la lecture par l'invité d'une bulle de respiration, d'une sorte d'espace un peu utopiste, justement, qu'on pourrait trouver dans les livres, la littérature, les essais autour de nous. Toi, tu es venu avec quoi pour justement nous proposer un peu de respiration, Alexandre ? Alors, je suis venu avec un roman écrit par Adrien Klent qui s'appelle « La vie est à nous ». Alors peut-être que vous connaissez tous son premier volet qui s'appelle Paris pour tous, et là c'est le deuxième volet, donc c'est la suite de l'histoire, qui s'appelle La vie est à nous. Le travail ne peut pas être toute la vie. Peut-être plus facile à comprendre pour cette génération née autour de l'an 2000 qui voyait bien que les précédentes, y compris celles des années 1980 et 1990, avaient trop cru à la promesse d'une réalisation par le travail. On réalise surtout des tâches qui servent à faire tourner une machine productive dont le seul but est d'avancer de peur de s'effondrer sur elle-même. La journée de 3 heures de travail par jour, c'est avoir du temps pour s'occuper de soi, des autres, de la planète. C'est se préoccuper, enfin, des choses essentielles à la bonne marche de la société. C'est renoncer à l'individualisme, à l'égoïsme, à la destruction méthodique de notre planète. C'est ouvrir un espace, des espaces. C'est se poser, et même se reposer. Se poser à nouveau, chaque jour, la question de ce qu'on est, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on doit faire. Il ne suffit pas de dire « moins travailler, mieux, partager son temps, les ressources, mieux protéger la planète, faire attention aux autres et à soi ». Il faut ajouter et avoir un pouvoir politique qui travaille de manière cohérente pour cela. Et certainement pas un président sorte demi-dieu possédant tous les pouvoirs, devant lequel le peuple se prosternait en le remerciant d'accepter de prendre soin de lui. Cette lecture, et qu'est-ce qui t'a donné envie de nous la partager? Alors, c'est un président dans un roman fictif. Je n'en dirai pas plus pour pas spoiler. Mais voici comment un président dont je rêve, que je souhaiterais voir un jour gouverner la France, ou peut-être une présidente, décrit ce que sont nos valeurs, ce que devrait être la vie. C'est le titre du roman, La vie est à nous. Comment la vie peut être à nous et pas nous au service d'un système économique, et comment en fait on pourrait chacun être épanoui, mais aussi avoir des décideurs politiques et économiques, donc des gens qui ont du pouvoir, qui nous montrent l'exemple, qui nous inspirent, plutôt que ces personnes-là qui nous fassent nous sentir coupables. Bah justement, on est en 2030 glorieuse, ça y est, et donc tous ces sentiments négatifs nous ont... on fait long feu et on a réussi. Il va falloir qu'on discute de ce que ça veut dire. On a réussi. Et puis en plus, c'est pas ça y est, avec un simple coup de baguette magique, tout est réglé. Mais par contre, on a réussi à enfin passer à l'âge adulte de l'humanité pour qu'on reprenne avec humilité notre place parmi le vivant, Alexandre. Et donc, on va discuter de ça, notamment du point de vue qui, toi, t'occupait à l'époque. Hein. Peut-être que tu t'en souviens, c'est pas si loin que ça. Hein. Les 2030 glorieuses sont avec DS, donc peut-être qu'on est en 2032, 2037, 2039, à toi de le décider. Mais on en parle au présent et on va faire en sorte que pendant les 15-20 minutes qui viennent, là, on parle vraiment de ces sujets-là de la manière la plus détaillée possible, en donnant des exemples, en arrivant à partager au mieux, pourquoi pas les images, pourquoi pas les textures, pourquoi pas les sons ou les odeurs, je sais pas, pour que les personnes qui nous écoutent, qui elles sont restées en 2024, puissent bien vivre les 2030 glorieuses qui vont être dans notre conversation et dans nos esprits à nous deux. On est là, ça y est, en 2030 glorieuse. Je ne sais pas si tu es à ton bureau, dans ton appartement, tu regardes en tout cas à travers une fenêtre, qu'est-ce que tu y vois? J'y vois de la nature, j'y vois un paysage dégagé, j'y vois un petit potager, et je vois le printemps qui se réveille, parce qu'on est au printemps là en 2030, et je me sens plutôt apaisé. En 2024, à l'époque, hein, on parlait à quel point, malgré la communication, malgré les annonces, la finance, les banques, les multinationales, les milliardaires, ils continuent à creuser notre dette écologique. Aujourd'hui, en 2030 glorieuse, on a réussi à remettre cette finance, ces banques, au service des 2030 glorieuses. Comment ? Quelles ont été les peut-être deux, trois dates historiques qui nous ont permis de provoquer cette rupture qui nous semblait inaccessible, inenvisageable? Oui, alors la première date historique a été en 2026, où l'affaire BNP, donc le contentieux climatique contre la plus grosse banque en France, a été victorieux. Et donc BNP Paribas a été condamné par la justice pour inaction climatique et a été contrainte par la justice de devoir arrêter les financements des énergies fossiles. En fait, ça a créé une jurisprudence et ça a créé un effet boule de neige sur l'ensemble des banques françaises, mais au-delà même, au niveau international. Et l'autre point important, ça a été l'arrivée d'un gouvernement en 2027, parce que c'était la présidentielle en France, donc un an après 2026, d'un gouvernement qui a vraiment compris l'utilité de remettre l'État au centre et de limiter le pouvoir de ces banques ou de ces multinationales et de ces milliardaires qui en sont à la tête, pour que leurs objectifs sociaux, environnementaux soient aussi importants que leurs objectifs financiers. Et donc ils ont mis en place des régulations qui font que, bah, désormais, là quand on se trouve en 2030, 32, 35 à l'heure actuelle, eh bien ces multinationales, leur objectif est autant environnemental et social que financier, et leur financement leurs investissements sont tournés vraiment vers des projets qui bénéficient à chaque être humain et qui ne sont pas uniquement voués à une rentabilité purement financière et uniquement financière. Et puis au niveau supranational, on a les Nations Unies aussi qui ont été largement relégitimées, remises en place et mises tout entières au service de la protection du vivant, qui aujourd'hui sont devenues un peu les garantes de la lutte contre l'évasion fiscale. Il y a une sorte de super taxe Tobin qui a été mise en place sur tous les échanges financiers pour leur permettre à ces Nations Unies de contribuer à la régénération du vivant partout, tout le temps. Exactement. En fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est que en 2024, il y avait beaucoup ce discours de dire « Ah oui, mais si nous, par exemple, en France, on taxe les milliardaires, et bah, ils partiront ailleurs. Ou si on taxe la finance, bah, ils iront sur une autre place boursière. » On était un peu dans ce schéma de pensée-là. Et en fait, il y a eu des choses hyper intéressantes. C'est qu'il y a eu des personnes qui ont eu du courage, des décideurs politiques qui ont eu du courage. Et ça a commencé en juillet 2024, au G20. Donc, c'est les 20 États les plus riches du monde et les plus puissants du monde, qui sont retrouvés au Brésil, et le Brésil a vraiment été moteur en disant « c'est possible qu'on taxe tous ensemble, à hauteur de 2% par an, la richesse des milliardaires ». Juste 2%, c'est pas beaucoup 2%. Alors que les milliardaires, à l'époque, entre 1980 et 2024, ils voyaient leur fortune augmenter de 7% par an. Et en fait, ils ont commencé à dire « on va mettre une taxe de 2% ». C'est la taxe Zucman, c'est un économiste mondial de l'époque très connu, qui est aujourd'hui d'ailleurs une star de l'économie parce qu'il a permis cela. Eh bien, il a proposé cela et ça a permis de lever des milliards, 250 milliards d'euros dès 2024 pour financer la transition écologique. Et en fait, après, il y a tous des processus comme ça internationaux qui sont mis en place en disant, en fait, si on met en place une coopération internationale, si des États qui montrent l'exemple, eh bien, on reproduit leurs bons exemples au niveau international, eh bien, ça va faire en sorte que sous tous ces problèmes qu'on avait à l'époque et ces peurs, en fait, qui étaient irrationnelles de se dire les milliardaires vont partir, les milliardaires ne vont plus investir, les milliardaires ne vont plus créer d'emplois, eh bien, ça a été annulé par le fait que tous les États ont mis en place des mesures de taxation des milliardaires pour financer la transition écologique, de régulation des multinationales, d'une augmentation des impôts des multinationales au niveau coordonné et international. Et donc, en fait, on est passé d'une logique de compétition à l'époque entre les pays et entre les entreprises à une logique de coopération. Et aujourd'hui, on a vraiment des États qui travaillent main dans la main au niveau et sous l'égide des Nations Unies en faveur d'une coopération et d'une solidarité entre les pays, entre le Nord et le Sud. On a pris ça par les deux bouts, hein, parce que effectivement l'échelle nationale, supranationale était essentielle, parce que sinon on voyait bien à l'époque les règles d'un pays pouvaient être échappées grâce à tel paradis fiscal, telle loi d'un autre pays qui était beaucoup plus permissif, ça s'est fait. Et à la fois on a eu aussi des moments clés au niveau citoyen pour marquer cette rupture. Je me rappelle plus exactement ce qui s'est passé, rappelle-moi, est-ce que c'était une sorte de nouvel appel à la Cantona d'aller retirer son argent des banques? Est-ce que c'est le fait d'être allé dans toutes les agences bancaires et d'enlever les chaises comme à l'époque avait fait Jump Palais avec Alternativa? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau citoyen pour qu'on dise notre ras-le-bol et qu'enfin aussi, à notre échelle, on mette les banques à la hauteur de ces enjeux? Oui, en fait, il y a eu un mouvement citoyen, tu as raison de le mentionner, qui a été fondamental dans l'histoire. Avant le recours en justice contre BNP en 2026, eh bien l'année 2025 a été marquée par un très grand mouvement de citoyens, de personnes qui voulaient vraiment agir en faveur de la transition écologique, qui se sentaient démunis. À l'époque, on sentait vraiment le poids du fatalisme et de se dire, moi, à mon échelle, face à ces multinationales, à ces milliardaires qui polluent tant, qui sont responsables de tant d'émissions de gaz à effet de serre, comment je peux agir ? En fait, il a fallu juste d'un footballeur pour dire, vous savez, moi, j'ai changé de banque et j'ai changé mon argent. Et il vous suffit juste de 5 minutes pour le faire. Parce que contrairement à des gestes de consommation, qui peuvent être un peu plus exigeants, mais qui sont quand même importants, on a réalisé qu'en fait, bouger son argent, ça prenait 5 minutes. Et en fait, suite à l'appel de ce footballeur, eh bien, il y a plusieurs ONG, dont Oxfam, les éminataires, qui ont mis en place un outil très simple pour dire, voici comment changer de banque ou interpeller sa banque. Et en fait, on a eu des millions de personnes qui ont commencé à interpeller parce qu'ils ont réalisé que c'était une action qui prenait pas beaucoup de temps et qui les mettait en mouvement, qui leur donnait du pouvoir. Et en fait, plus il y a eu des gens qui ont interpellé, plus ça a créé un effet positif et un effet domino. Et donc, c'est aussi pour ça qu'en 2026, il y a eu cette jurisprudence de la part du juge qui ont condamné BNB, parce qu'il faut, il faut comprendre que les juges, ce sont aussi des êtres humains et que le juge de l'époque a été sensibilisé par rapport à cette mobilisation citoyenne. Oui, tu parles d'un footballeur, il me semble que c'est plus, c'était pas tout à fait ça, excuse-moi Alexandre, mais le foot étant plus trop à la mode en 2030, je crois que c'est un basketteur, je crois que c'est Victor Wembanyama qui a fait cet appel. Et puis en plus, avec l'impact mondial qu'il a, lui, je pense que ça a dû aussi donner envie à des citoyens, des citoyennes à travers le monde entier de faire la même chose de mémoire. Tu, je crois tu as ça. Raison, tu vois, ma mémoire me joue des tours, hein, les années sont passées. Dis-moi tous les impacts positifs sur nos vies, sur notre société, d'avoir ces multinationales, d'avoir enfin ces milliardaires qui se mettent à contribuer au bien commun. Qu'est-ce que ça a changé au niveau de la société et même à nos échelles, à nous, cette envie de partager, cette envie de contribuer, le sentiment qu'on ne devait plus chacun se rabaisser à des petitesses et laisser libre cours à nos bassesses, à nos instincts de survie. Comment en fait la générosité se multiplie et comment ça change nos vies, ça? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, on était dans un schéma de pensée où on disait beaucoup « il faut partager les richesses ». On avait beaucoup ce dialogue-là. Et d'ailleurs, un des moteurs et une citation qui revenait beaucoup, c'était la citation de l'abbé Pierre. Alors, quelqu'un qui était marquant, notamment pour le XXe siècle, donc encore plus loin, qui disait quelque chose qui n'avait pas encore été appliqué. Il disait « l'inverse de la misère, ce n'est pas la richesse. L'inverse de la misère, c'est le partage ». Et en fait, ce qui s'est mis en place, qu'on a compris, c'était pas juste on voulait lutter contre les riches, c'est de se dire on a besoin de partager la richesse parce que l'argent est un moyen pour une fin et la finalité c'était de partager le pouvoir. Et en fait, c'est le pouvoir qui a commencé à être partagé quand on a redistribué l'argent, quand les multinationales ont redistribué la valeur, quand les banques ont réorienté leur argent et donc ce pouvoir de l'argent vers des projets de développement durable, vers des projets solidaires. Et en fait, les citoyens qui se sentaient fatalistes à l'époque en 2024, ils ont commencé à comprendre qu'ils avaient eux-mêmes du pouvoir. Et que lorsque le pouvoir était réparti, qu'il n'était pas concentré dans la main de quelques milliardaires qui possédaient des médias, de quelques décideurs politiques qui s'attachaient à leur pouvoir et à leur image, eh bien, eux, quand on leur donnait du pouvoir, quand on donnait un pouvoir à un citoyen et qu'il allait voir une banque, par exemple, des PME, des TPE, des gens qui voulaient monter des boulangeries bio, par exemple, qui voulaient monter leur propre entreprise de panneaux solaires dans leur jardin et qu'ils allaient voir une banque et que c'était facilité pour eux le fait d'avoir accès au crédit, à un crédit en plus très peu cher parce que l'État venait en aide et conditionnait ses prêts, eh bien ces citoyens-là, ils ont senti du pouvoir, mais un pouvoir partagé entre tous. Ils se sont sentis la force et le pouvoir d'agir, le pouvoir de vivre, le pouvoir de eux-mêmes entreprendre dans une société et développer leurs propres outils. Et en fait, ils se sont plus sentis exclus comme c'était à l'époque et résignés à un rôle de consommateur, si tu veux. À l'époque, il y avait un peu ce truc de dire « changez votre mode de consommation ». Et c'était nécessaire, mais il y avait quelque chose de plus dont on ne parlait pas, c'était l'enjeu de la citoyenneté. Et en fait, la citoyenneté, c'est gratuit. C'était de dire à chacun « tu peux, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, tu peux à ton échelle gratuitement agir en faveur des autres et dépasser juste ton intérêt personnel de consommer plus pour satisfaire cela qui ne va pas forcément te rendre heureux. » Et il y a eu ce changement de paradigme dans la société, ce changement de vision de beaucoup de citoyens qui, en fait, en se sentant utiles, en se sentant puissants, on peut développer leurs propres projets, on peut se dire « je vais dégager du temps pour aider d'autres dans des associations, pour faire preuve de solidarité, pour tendre la main ». Et c'est par plus de liens qu'en fait, on a petit à petit changé un cercle vicieux qui existait, d'un cercle vicieux un peu individualiste, un peu tourné que vers la consommation, vers un cercle vertueux, avec plus de citoyens qui étaient animés par le souci de l'intérêt général et qui comprenaient qu'en tendant la main à l'autre, en créant des liens, il était de plus en plus heureux. Et c'est cette situation dans laquelle on vit à l'heure actuelle. Et en fait, c'est très facile aujourd'hui d'emprunter dans une banque pour favoriser des projets qui va favoriser la solidarité ou des projets écologiques, même en dehors de rendements purement financiers. Comment on maintient ce niveau de partage? Est-ce que tu peux me raconter les garde-fous qui ont été mis en place pour justement pas retomber dans les travers de la décennie précédente? Et peut-être encore mieux, est-ce que tu as une idée des espaces de conversation, de négociation qui existent entre les grandes entreprises, les grandes banques, les multinationales et les citoyens pour continuer à faire ce travail de mise en commun, pour continuer à faire ce travail de gouvernance partagée? Ouais, tu sais, aujourd'hui, quand on est salarié d'une entreprise, eh bien, l'ensemble des salariés, ils ont plus de voix que les propriétaires de des entreprises, les actionnaires. Aujourd'hui, c'est totalement normal. Mais en fait, à l'époque, c'était complètement le contraire. C'est-à-dire que les salariés au sein d'une entreprise, même s'ils étaient collectivement, ils votaient pour dire il faut plus investir dans la transition, on veut que la création de richesse vienne un peu plus en faveur des salariés, eh bien, malheureusement, l'ensemble des multinationales de l'époque, elles ne donnaient pas ce pouvoir-là. Et en fait, en redonnant plus de gouvernance et de démocratie, et donc de partage, la démocratie, c'est une personne, une voix, c'est-à-dire de partage du pouvoir, on a pu faire en sorte que, grâce à une loi du gouvernement de 2027 qui avait été mise en place, que tout le fonctionnement des entreprises fonctionne différemment. C'est-à-dire que la richesse au sein des entreprises était mieux partagée. Et alors qu'à l'époque, on avait 2/3 de la richesse qui allait à des actionnaires, on s'est retrouvé avec une répartition de la richesse où on avait 1/3 pour les actionnaires, qui investissaient dans l'entreprise, donc c'était plutôt bon, 1/3 pour les salariés, pour voir leur travail être rémunéré dignement, et 1/3 vers des investissements de projets écologiques, sociaux et du futur. Et donc c'est grâce à une répartition du pouvoir et de la gouvernance que derrière on a pu avoir une répartition des richesses qui ont en fait bénéficié à tout le monde, qui ont bénéficié aux salariés, qui ont aussi bénéficié aux entreprises. Parce que les entreprises ont réalisé que plutôt que de rémunérer, ce qui était très logique à l'époque et qui est plus du tout naturel pour nous aujourd'hui, des actionnaires à court terme qui demandaient de plus en plus d'argent, qui demandaient de plus en plus que les profits des entreprises aillent vers eux, et bien ces entreprises, de petit à petit, sous la pression des salariés qui avaient plus de pouvoir au sein des entreprises, elles ont réorienté leurs investissements, elles ont réorienté leur argent vers des projets de long terme. Et en fait, ces projets de long terme, nous là en 2034, on voit qu'ils ont abouti. Et on peut voir que, par exemple, on a un développement des énergies, des voitures bas carbone, des voitures électriques, qui a été beaucoup plus soutenu. De l'autre côté, on a pu voir que l'État a pu dégager plus de moyens financiers aussi en taxant les milliardaires, etc. Et donc l'État a pu investir dans des modes de transport, par exemple, bas carbone, dans plus de transports en commun. Donc aujourd'hui, la question de se dire, si je n'ai pas de voiture individuelle pour aller au travail, eh ben je ne peux pas aller travailler, elle se pose même plus, alors qu'à l'époque, elle se posait, parce qu'en fait, on a plein d'alternatives, il y a les vélos qui sont développés, il y a des infrastructures qui sont développées, il y a des transports publics partout, et en plus, globalement, la situation qui nous a amené à faire en sorte qu'aujourd'hui, on est dans un rythme de vie qui est beaucoup plus soutenable, et où, en fait, l'accès à des services essentiels comme des transports sains sont logiques. À l'époque, c'était la nef qui était 100% transparente. Aujourd'hui, on a toutes les grandes entreprises, donc forcément les grandes banques, qui sont 100% transparentes. Et donc ça change tout. On a une sorte de météo de l'implication, notamment climat, de l'impact climat des grandes entreprises qui est publié chaque mois. On a des indicateurs, on a une communication et une implication des citoyens dans la compréhension des impacts des grandes entreprises. Et donc, on a un suivi presque au jour le jour, hein, et une capacité de rediriger certains investissements, certaines décisions stratégiques dès qu'on sent qu'on perd un peu le cap des 2030 glorieuses. Oui, exactement. En fait, quand c'est flou, il y a un loup et on était un peu dans un flou il y a une dizaine d'années parce que, comme tu l'as dit, il n'y avait pas de transparence et donc les citoyens n'étaient pas vraiment informés sur où allait leur argent et il y avait beaucoup d'argent qui était caché par ces multinationales dans les paradis fiscaux sans qu'on le voie. À partir du moment où il y a eu une mise en place très simple d'une transparence, ça a redonné du pouvoir à chacun. Ça a redonné de l'information à chacun et de réaliser, de pouvoir s'indigner ou de pouvoir interpeller sa propre banque dans ce mouvement-là lancé par le basketteur en 2026 et qui a fait prendre conscience aux citoyens de se dire « Oh là là, mais en fait, mon argent, il finance de la déforestation, mon argent, il finance des énergies fossiles. » Ou « C'est pas normal, là, attendez que les multinationales, alors que nous, on paye des impôts, eux, ils évadent leur argent dans des paradis fiscaux et ne contribuent pas à l'effort de solidarité nationale. » Et donc, effectivement, un simple accès à la transparence a pu permettre une prise de conscience et redonner du pouvoir à ces citoyens pour dire « Attendez, il faut qu'on agisse contre ça, il faut qu'on s'indigne face à ça. » Et ce qui a permis derrière de faire plus que de la transparence, et donc de la régulation et des règles très fixes et très stables. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a une transparence des comptes bancaires, on sait où va notre argent. On sait le montant d'impôt que paie chaque banque dans chaque pays en fonction du nombre de salariés et ça permet d'avoir d'être des chiens de garde, de faire en sorte que l'argent est bien utilisé aujourd'hui. Alors, mis à part Alexandre, cette relation que tu entretiens maintenant quasiment de manière mensuelle hein, avec Victor Wembanyama qui à l'écoute de ce podcast à l'époque en 2024 t'a contacté et a demandé à tout comprendre sur l'impact de la finance pour vraiment te soutenir au quotidien. Je sais que Toi, une de tes grandes fiertés, c'est d'avoir fait en sorte que ton travail en 2030 Glorieuse, il soit beaucoup plus pour que contre. Raconte-moi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en 2030 Glorieuse ? À l'époque, c'était un peu difficile parce que face à tous ces milliardaires multinationales qui avaient beaucoup de pouvoir, il fallait dénoncer fortement leur implication dans les paradis fiscaux, leur manque de partage de la valeur ajoutée au sein des entreprises et de la richesse, leur impact environnemental. Et si tu veux, ça demandait beaucoup d'efforts parce que on devait être dans une relation de conflictualité. Je t'ai parlé par exemple de l'affaire BNP, on a dû attaquer une banque en justice, et en fait attaquer une banque, ça peut paraître être, même si c'est le recours à la justice, à l'époque ça pouvait paraître un peu agressif. Et donc c'est vrai que en tant que citoyen de l'époque et de faire du plaidoyer, c'était assez difficile parce que j'avais l'impression de me battre contre vents et marées. Mais grâce au mouvement citoyen à une régulation de l'État petit à petit, en fait les citoyens eux-mêmes ont pris conscience que c'était important. Et les entreprises elles-mêmes et les dirigeants d'entreprises eux-mêmes ont commencé à avoir une attitude différente. Et donc, ça a permis de faire en sorte qu'on n'était plus dans un rapport de force, mais dans une forme de coopération les uns avec les autres. On a parlé d'une coopération internationale, mais ça s'est fait aussi au sein des entreprises. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de conflictualité au sein des entreprises parce que les syndicats et le patronat discutent beaucoup plus ensemble grâce à cette transparence et vont beaucoup plus pouvoir s'entendre et comprendre qu'ils ont des intérêts convergents plutôt que des intérêts divergents. Et donc moi, aujourd'hui, j'ai pu réorienter mon travail par rapport à l'époque dans quelque chose qui est beaucoup plus pour. Et effectivement, maintenant, je fais pas un plaidoyer contre en dénonçant, mais je fais toujours un plaidoyer, donc de défendre une cause, mais qui est défendre les liens, en fait, de défendre quelque chose pour, et donc de pouvoir dire et de mettre en avant pas une dénonciation de comportement négatif, mais plutôt de comportement vertueux. Et en fait, mon travail maintenant dans une ONG est de pouvoir dire, de plaider pour dire, regardez ces bons exemples, regardez ces bonnes pratiques des banques, regardez ces bonnes pratiques des multinationales. Et en fait, moi, d'un point de vue intérieur, c'est beaucoup mieux. Je partage une bonne nouvelle plutôt qu'une mauvaise nouvelle, et ça donne de l'espoir et ça propage derrière pour les citoyens de l'inspiration. Bon, Alexandre, on peut officiellement déclarer que tu es un citoyen... mais vraiment né en 2030 Glorieuse, hein. C'est fou de voir à quel point tu as cette aisance à parler au présent de tous ces sujets-là hyper complexes et pourtant d'improviser et de rendre accessibles ces concepts positifs là, et de nous dire à quel point ça a changé nos vies. Moi, de t'entendre, ça m'a fait un bien fou pour que en 2024 on ait ces caps enthousiasmants et qu'on sache comment stratégiquement on doit s'activer pour les faire advenir sans attendre. En fait, on n'a pas envie d'attendre les 2030 Glorieuses. Si jamais là on devait s'adresser, et c'est ma dernière question pour toi, à toutes les personnes qui nous ont écoutées et que tu devais leur proposer un pas supplémentaire vers tes 2030 Glorieuses, tu leur dirais d'agir vers quoi, d'agir comment, d'agir de te rejoindre comment, avec une chose très concrète là, pour en terminant ce podcast. Je les appellerais vraiment à être des citoyens et pas que des consommateurs, et à dire que s'il y a des choses qui les indignent dans la société, si ils trouvent qu'une politique d'un gouvernement est injuste ou qu'une politique d'une entreprise est injuste, que ce soit en tant que consommateur ou en tant qu'électeur, en fait, ils peuvent aller plus loin que juste changer leur mode de consommation, ce qui est nécessaire et qui se propage à l'époque, mais d'agir en tant que citoyen, et donc de dire à sa banque, on en a parlé, mais de pouvoir interpeller son conseil bancaire, mais aussi, je ne sais pas, si par exemple ils vont dans un supermarché pour faire leurs courses, de pouvoir avoir la liberté de se dire c'est gratuit, d'écrire à mon supermarché et de dire cette pratique n'est pas bonne, et aussi d'écrire à son maire ou à son député et de dire cette loi n'est pas bonne ou j'aimerais faire cette loi. Et donc c'est une vraie invitation à dire vous pouvez agir, vous avez du pouvoir, retrouvez votre pouvoir, ne tombez pas dans un fatalisme et donc dans une société de la consommation, de la passivité, mais en tant que citoyen vous avez la gratuité et ça coûte rien en 5 minutes, de pouvoir agir. Et pour cela, il y a plein d'ONG de l'époque, comme Oxfam ou d'autres, qui vous mobilisent, qui vous donnent du pouvoir, qui vous aident à agir. N'hésitez pas à prendre contact avec elles, à rejoindre des groupes locaux et à vous mettre en mouvement, parce que il est trop tard pour être pessimiste et que le futur sera meilleur. La preuve est là. Merci Alexandre. Merci Julien. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorieuse avec nous jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à explorer les utopies vivantes, je vous invite à vous rendre sur 2030glorieuse.org pour découvrir la galaxie des 2030 Glorieuses.